Vous écoutez toujours Futur Simple, toujours au 89.1. Et pour finir l'émission, j'aimerais vous présenter une nouvelle voix, celle de Vanessa Bussière, qui se joindra à nous une fois par mois, je crois. Elle va nous confirmer ça tout de suite. Donc Vanessa fait une maîtrise au fait une maîtrise sur le cancer de la vessie et le cancer de la prostate au Centre de recherche de l'Hôtel Dieu de Québec. Elle est donc bien placée pour faire des chroniques sur les thèmes médicaux. Bonjour Vanessa. Bonjour Valérie. Donc c'est ça, je me trompe pas, tu vas nous venir une fois par mois à peu près pour nous faire des chroniques sur entourant la santé. Et aujourd'hui, donc, pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler du dépistage du cancer de la prostate et plus particulièrement du débat qui entoure ce dépistage. Mais peut-être que pour commencer, je vais t'inviter à nous parler un peu de ce cancer, donc combien de personnes ça touche et comment on le dépiste surtout. Oui, ben en fait, on estime que le cancer de la prostate touchera environ un homme sur six au cours de sa vie. Un homme sur six, c'est pas mal. Mm-hmm. Ça devrait se traduire en 2012 par environ 26 500 nouveaux cas et 4 000 décès. Ces données en font en fait le cancer masculin le plus répandu au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe aussi. Son origine en fait peut être multifactoriel. Les facteurs de risque les plus connus sont l'alimentation qui joue un très gros rôle, mais aussi le tabagisme qui est un facteur de risque connu pour la plupart des cancers. De 5 à 15% des cancers sont aussi d'origine génétique. Dans ces cas-là, les patients ont jusqu'à 80% plus de chances de développer un cancer de la prostate. Malheureusement, c'est une maladie qui est encore trop souvent taboue aujourd'hui parce que ça attaque directement à ce qui fait qu'un homme est un homme, à leur masculinité en fait. Maintenant, le dépistage. En soi, il inclut deux composants. D'abord, il y a le test sanguin qui permet de doser le taux d'antigène prostatique sérique, qu'on appelle l'APS, dans le sang. Et il y a l'examen physique qui va permettre de détecter des anomalies structurelles sur la prostate, comme des indurations ou simplement un volume anormal. Donc, cette technique-là de dépistage combiné va permettre de surveiller un ensemble de signaux qui peuvent indiquer la présence d'un cancer. Suite à ça, si le médecin a des doutes sur la présence d'un cancer, il va pousser plus loin ses investigations. D'accord. Donc, tu dis qu'il y a un débat à propos du dépistage, mais pourquoi, en fait? Parce que, est-ce que c'est pas une bonne chose de dépister un cancer si on veut pouvoir le soigner? Mais en fait, oui et non. J'ai pas la prétention d'abord aujourd'hui de vous fournir une réponse claire sur la question. Ce que je veux, c'est simplement informer les gens pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Le débat, en fait, se situe au niveau de l'impact de cette pratique-là qu'elle pourrait avoir à la fois sur l'issue du traitement, mais aussi sur la qualité de vie des patients, puis sur le coût du traitement au final. Le premier groupe, en fait, va affirmer que le dépistage systématique augmente le surtraitement et le surdiagnostic. Pour eux, les avantages liés au diagnostic précoce du cancer n'arrivent pas à contrebalancer les conséquences néfastes. Le surdiagnostic, ce qu'on entend par là, c'est en fait le cancer de la prostate peut évoluer très lentement. Il peut ne jamais causer de problèmes aux patients. Exactement. Il est fort possible que le patient meure d'une autre cause. Par contre, le fait de savoir qu'on a un cancer cause invariablement du stress qui, ben, comme on le comprend, dans certains cas peut être inutile. C'est ça. Le surtraitement, en fait, ça, c'est le traitement des cancers qui ne devrait pas l'être. Lorsqu'un patient reçoit un diagnostic de cancer qui est peu agressif et qui va évoluer lentement, on lui propose souvent de faire un simple suivi, une surveillance active de la maladie. Au point de vue médical, c'est une option tout à fait envisageable, mais quand on se voit annoncer personnellement une nouvelle de ce type-là, on a parfois de la difficulté à faire un choix qui est purement rationnel, puis ça se comprend. Le mot cancer, c'est un mot qui fait peur, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre avec le fait de rester passif, si on veut, devant la maladie. Donc, pour certains, c'est vraiment l'éradication de la tumeur qui est la seule option. Le surtraitement, ça va avoir comme conséquence d'infliger des traitements puis tous les effets secondaires qui sont liés à des patients qui auraient théoriquement pu vivre avec le cancer toute leur vie sans avoir à le traiter. Et puis, donc ça, c'est un peu les inconvénients du dépistage, mais de l'autre côté, il doit y avoir aussi donc des gens qui soutiennent au contraire les avantages. Il faut dépister. Mais oui, bien sûr. Le deuxième groupe, en fait, considère que, bon, d'abord, les avantages qui sont liés aux tests sont minimes, mais surtout que le nombre de vies qui peut être sauvées grâce à cette pratique-là vaut largement l'effort. Pour ce qui est du stress émotionnel qui est causé aux patients, ça, c'est indéniable, mais ils vont préconiser plutôt que de pas caché, mais plutôt que d'arrêter le dépistage pour que le patient soit pas au courant, ils vont plutôt préconiser un meilleur suivi psychologique puis un enseignement qui va permettre au patient de prendre la décision la plus éclairée possible. Toutefois, ils vont poser un débat éthique aussi qui est très important puis qui oppose, bon, d'un côté la survie de certains patients grâce aux tests, à de l'autre côté, aux dépenses liées à cette pratique-là. On pourrait comparer ça, par exemple, au débat des maladies orphelines pour lesquelles on va utiliser des grosses sommes d'argent pour traiter un très petit nombre de personnes. tandis que ces grosses sommes d'argent-là pourraient être utilisées pour traiter des maladies comme, par exemple, le cancer de la poumon qui atteint plus de personnes. C'est ça, qui atteint plus de personnes. Plus de gens avec une même somme d'argent. Exactement. Ça vient à se demander si on peut considérer qu'on fait une bonne utilisation des ressources en santé en dépensant autant d'argent pour le dépistage, hein, qu'on peut apparemment sauver qu'une poignée de vie. Oui. Alors, on est donc devant un dilemme. Et est-ce qu'on a des éléments pour résoudre ce dilemme? Oui. Ben, pour moi, c'est une question à laquelle il n'existe d'abord aucune bonne réponse. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on devrait instaurer un programme de dépistage précoce du cancer de la prostate au Québec, comme c'est le cas, par exemple, pour le cancer du sein? Ou est-ce qu'on devrait, au contraire, l'appliquer seulement à certains groupes plus à risque dans la population? En ce moment, il n'y a aucune ligne de conduite là, obligatoire à suivre pour les médecins. C'est eux qui prennent leur propre décision. La réponse aux dilemmes, comme je l'ai dit, est loin d'être simple. Le premier point qu'on pourrait regarder, c'est l'efficacité du test en termes d'issue de la maladie, qui est grandement questionnée. En fait, en 2009, ont été publiées deux grandes études, apparemment toutes deux très crédibles, qui ont démontré des résultats totalement contradictoires. Donc, l'étude américaine, qui portait sur des dizaines de milliers d'hommes, a montré que le dépistage ne changeait pas le taux de décès contre l'étude européenne qui disait que le dépistage pouvait diminuer de 20% le nombre de décès chez les 55 à 69 ans. Ouais. Donc, c'est est-ce qu'on n'a pas aussi, ce dilemme-là, est-ce qu'on ne retrouve pas la même situation avec le cancer du sein? Oui, mais il existe un programme de dépistage du cancer du sein depuis 1998 qui a été mis en place par le ministère de la Santé, puis qui fournit un cadre, en fait, à ce dépistage-là. Donc, il y a plusieurs pratiques qui ont été mis dans le fond, en place pour permettre un dépistage plus efficace. L'incidence des deux cancers est assez similaire. Mais on voit pas là ce cadre-là pour le programme de dépistage du cancer de la prostate qui pourrait être assez intéressant d'avoir aussi. De plus, on estime que 20% des cancers du sein diagnostiqués sont aussi le résultat d'un surdiagnostic et que sur 2000 femmes dépistées régulièrement pendant 10 ans, il y en a une seule qui va éviter la mort due au cancer grâce au dépistage. Donc, on voit que les désavantages sont assez équivalents. On les retrouve aussi, on trouve les mêmes problématiques, mais on remet pas en cause le dépistage du cancer du sein. Exactement. Donc, on peut se poser la question d'où est-ce que ça vient, débat-là. Ouais. Donc, on a deux cancers avec, en gros, les mêmes incidences, mais pas la même vision du dépistage. Exactement. Au final, en fait, on peut se dire que le débat, bien sûr, est loin d'être terminé. Ouais. Mais tout le monde s'accorde pour dire que l'important, c'est d'informer les hommes sur le dépistage et sur les effets possibles de celui-ci sur leur santé, afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée, comme je l'ai dit au départ. En terminant, je voudrais simplement vous mentionner qu'il existe une fondation québécoise qui est dédiée à la lutte au cancer de la prostate et à la sensibilisation de la population qui se nomme Procure. La fondation va donner une conférence justement le 6 novembre à l'Université Laval, donc une conférence gratuite et grand public sur les nouveautés dans le traitement du cancer de la prostate. Vous pouvez avoir des détails sur leur site internet aprocure.ca. Et aussi, sur une note un peu plus joyeuse, on va assister au début du mois de novembre au retour des moustaches dans le monde. Pour ceux c'est qui ne connaissent ouais. pas, c'est ça. C'est le Movember, en fait, qui a lieu depuis plusieurs années dans le monde, qui a pris forme en Australie il y a plusieurs années, puis qui fait la promotion du port de la moustache chez les hommes en appui à la cause du cancer de la prostate. L'an passé, ça a permis d'amasser 125,7 millions de dollars pour faire avancer la recherche et la sensibilisation sur le cancer de la prostate. Alors, peut-être que tu vas nous en reparler en novembre. Oui, peut-être bien, ça se pourrait. D'accord, ben merci beaucoup Vanessa pour ce regard sur le dépistage du cancer de la prostate. Et puis, je pense que c'est un peu la fin de l'émission.